Nous venons humblement devant toi, le Dieu Saint, Dieu parfait, pour t'honorer et te glorifier, nous confier totalement à toi, t'appeler sur la scène pendant cette réunion, pendant cette prédication. Nous voulons que tu nous apprennes tes voies. Car nous ne voulons pas suivre les mauvaises manières de vivre. Sois notre guide. Et parle à chaque cœur. S'instruisant dans tes voies. Au nom de Jésus-Christ. Prions ainsi. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Malachie au chapitre 4. Dans Malachie, verset 4 à 6. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris à Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Yango malakompe kusambisa sembo. Talangai na kotinde la bino mosakoli Elia. Liboso na kuya na mokolo monene pe somo na Yawe. Akobongola mitema na batata epai na bana. Pe mitema na bana epai na batata na bango. Ete na ya pe na beta mokili ekweli mabete. Nous lisons encore Ézéchiel chapitre 18, verset 1 à 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les enfants en ont été agacés. Je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe à nous. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du fils comme l'âme du père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nous allons dans le Nouveau Testament pour lire 1 Pierre chapitre 1er, versets 17 et 18. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Amen. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Bakoko, na liboso Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue à la table du Seigneur. Ayant confiance que Dieu est fidèle. Chaque fois qu'il rassemble ses enfants, il a quelque chose à leur dire. Il a quelque chose de délicieux à leur partager. Et quoi plus important que les affaires de la terre. Et plus valeureux que les occupations de la terre. Et nous avons intérêt à nous approcher de Dieu et pour que lui aussi s'approche de nous. Nous ne devons pas demeurer dans l'éloignement, mais nous devons nous rapprocher. Et le sang de Jésus-Christ a rendu ce rapprochement possible. Le sang du Seigneur Jésus-Christ a rendu ce rapprochement entre nous et Dieu possible. Et plus grand, plus fort encore. Le rapprochement. Et il dit dans 1 Pierre chapitre 1, si on la lit ça. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, quand ceci est dit avec insistance, c'est que Dieu n'est pas tenu de regarder à ton ascendance. Quand il t'envoie son message de grâce, tel que c'était prévu pour le Nouveau Testament, ce n'est plus les conditions de l'époque de la loi, où Dieu tenait à punir l'iniquité des pères sur les fils et sur les fils. Et où on a vu un certain roi Joram aller vers le prophète. Et le prophète s'est énervé. Il a dit, pourquoi tu n'es pas allé vers le prophète de ta mère? Tu viens chercher quoi ici? C'est-à-dire, on a regardé au visage de la mère. Et tout cela parce qu'à l'époque de la loi, c'était exactement ça. La loi était là. On finissait l'iniquité de père sur les fils. Quand même les serviteurs ne pouvaient regarder certains enfants, ils ne pouvaient être écartés. Pas mon père, on lui a fait ça. C'est quoi les enfants? Eux-mêmes n'avaient rien fait. C'est simplement parce qu'ils appartenaient à une lignée de pères rebelles qui avaient irrité Dieu. La malédiction se transmet entre nous de génération en génération. Mais regardez quand Dieu envoie le message de grâce. Il dit, si vous invoquez comme père, c'est celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de vos jours sur la terre. Sur terre, personne n'est éternel. Sur terre, chacun de nous est en séjour. Nous sommes dans un séjour. Comme quand vous êtes un habitant de Kinshasa, et que vous décidez d'aller visiter Kisantu, vous dites, mais notre pasteur avait été là autrefois. Je parle de voir un exemple cette petite ville ou ce petit village. Donc, quand vous y allez, ce n'est pas pour toujours. Vous y allez pour quelques jours. Pour quelques temps, il s'appelle un séjour. À la fin de votre séjour, vous regagnerez votre domicile. Votre lieu d'habitation habituel. C'est la manière de faire. Dans nos affaires humaines ici. Vous décidez d'aller visiter Mazangongo. Vous allez visiter Kiazikolo. Vous allez à Kulingongo. Ou alors à Matadi. Ou à Boma. Ou à Banana. Tuna Banana. Ou à Kizangwete. Tuna mboka wengi Kizangwete. Ou à Sekebanza. Tuna Sekebanza. Ou à Popoka Baka. Popoka Baka. Hein? Vous pouvez aller à Malangalombe. Ok, kuna mboka wengi Malangalombe. Tout ça, c'est à la province du Congo central. Non, souvent les abouveli na iteni mboka wengi Congo central. Vous allez à Gombe Sud. Ok, kuna na Gombe Sud. Gombe, c'est pas Gombe ici de la ville. Gombe Sud. C'est un district. Vous allez dans la Lukaya. Kuna na Lukaya. C'est le Bantandu. Baya Bantandu. Angidinga. Kena Angidinga. Donc tout ça, ce sont des sites. Non, so, vous pouvez aller à Ngeba. Ngeba. C'est aussi un village là-bas. Ce sont des endroits. Il y a beaucoup d'endroits. Tout ça, c'est juste la province. Non, so, on est habitué avec des quartiers bien. Vous voyez ça? Lukunga. Lukunga. Et Tchang. Nous maîtrisons presque tous les petits quartiers. Avec nos 24 communes. Le pays, notre pays, RDC, le Congo, est tellement grand. Quand j'ai cité les quelques villes et villages de Bakongo, juste quelques villes. Vous voyez que peut-être d'autres, c'est la première fois que vous pouvez ça existe. Mais si vous allez partout là-bas, vous aurez vraiment à l'esprit de vivre pour toujours un endroit dont vous venez d'entendre parler. Est-ce qu'un village comme celui-là existe? Peut-être vous dites, oh, mais ça y est ici. Maintenant, si vous allez là-bas, ce sera forcément en séjour. D'une durée déterminée. Même chose pour nous les humains. Avant d'être sur la terre, nous étions quelque part. Et là où nous étions, Dieu seul, notre créateur, Dieu connaît mieux ça. Et après avoir été ici sur terre, vous irez aussi quelque part. Parce que sur la terre, je répète, nul homme n'est éternel. Tous sont passagers. Même Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Il était venu sur terre. À la fin de son séjour, il a quitté la terre. Il avait dit, je suis sorti du Père. Je suis venu dans les mondes. Maintenant, je quitte les mondes. Et je m'en vais au Père. Le séjour était délimité. Il a dit dans Hébreu, lui Jésus-Christ, pendant les jours de sa chair, il a présenté à Dieu des prières et des supplications à celui qui pouvait les délivrer de la mort. Pendant les jours de sa chair, les jours terrestres de sa chair, il a fait ça. Il savait qu'il y avait une fin à son temps. Toi aussi, homme, toi aussi, femme, ne pense pas être éternel ici. Et tant que ces choses sont visibles, la Bible les décrète comme étant, elles doivent passer pour aller à une autre forme. Mais les choses invisibles, ni toi-même, et les choses éternelles que Dieu a préparées comme il est dit dans la Bible, ce sont des choses que l'œil n'a point vu et que l'oreille n'a point entendu, des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Et nous devons arriver à aimer ces choses. Qui dit amen? Arrive à nous affectionner à ces choses. Détourner nos pensées des choses visibles. Nous affectionner aux choses éternelles. Détourner notre grande attention des choses visibles. Sur les choses invisibles. Paul a dit, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Pouvez-vous convertir vos pensées? Chaque jour ici, Pouvez-vous convertir et changer vos pensées? Peuple Namdi, ne pensez pas aux nouvelles terres, aux nouvelles maisons, aux nouvelles voitures. Hein? Ne pensez pas trop à ça. Mais convertissez-vous pour vous affectionner aux choses du ciel. Au lieu d'avoir vos pensées fixé que dans des choses de la terre, une nouvelle voiture, une nouvelle moto, une nouvelle voiture, une nouvelle maison, ce sont des choses passagères. Convertissez-vous. Convertissez-vous. Pour pouvoir aimer les choses du ciel. Écoutez. Si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, selon la généalogie de chacun, non pas selon la lignée ancestrale de chacun, nous selon le clan de chacun, non pas selon la tribu de chacun. Dieu ne juge pas d'après la langue maternelle de chacun. Dieu le juge, le juge suprême. Il juge selon l'œuvre de Dieu. Non pas la tribu. Non pas les clans. Non pas sa famille. Non pas ses ascendants. Mais selon l'œuvre de Dieu. Dieu ne juge pas selon ce que tu as été. Il juge selon ce que tu fais et que tu as fait. Et sans favoritisme. Il ne peut pas dire, toi tu vas entrer parce que tu es de ceci. Ou tu vas entrer parce que tu es de cela. Non. Tes œuvres sont agréables. Si tu fais ce qui est juste, et que tu crains Dieu, alors il va t'approuver. Si vous invoquez comme Père, c'est lui qui juge selon l'œuvre de chacun. Sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Le séjour dans lequel vous êtes, à un commencement, ce séjour aura une fin. Dieu sait quand et comment. Chacun de nous ne te dérobe pas, ne te cache pas. Dieu seul sait quand et comment. Toi-même tu ne le sais pas. Il est difficile de le dire de toi-même. Ce sera déjà cette nuit. Ou dans une semaine, deux semaines. Ou dans deux mois, trois mois. Ou dans une année, on ne sait pas. Ou dans cinq ans. Dieu seul sait quand et comment. Alors, pendant que vous êtes dans puissez-vous avec crainte. Craignez Dieu, craignez sa parole. Craignez Dieu, honorez son message. Craignez Dieu, pratiquez sa parole. Craignez Dieu, pratiquez la vie. Arrêtez de faire le mal. Cessez de faire le mal. Ayez la crainte de Dieu tous les jours. Dieu sait quand vous quitterez le mal. Et dans quelles conditions vous la quittez. Oh oui. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre. Vous n'avez pas été, vous avez été acheté de la vaine manière de vivre. La vaine manière de vivre que vous avez hérité. C'est un héritage. Ce n'était pas votre choix. C'est la nature qui est en vous. La mauvaise nature. La méchanceté de cœur. La rancune. L'arrogance. L'orgueil. L'incrédulité, l'infidélité, le mensonge, la tromperie, l'hypocrisie, l'esprit de vengeance, La ruse. La malfaisance. Les violences. Le comportement kuluna. Le vol. La tricherie scolaire. Académique. La falsification des documents. Pour se faire des intérêts américains. Avoir des gains honteux. La prostitution. La masturbation. Toutes ces mauvaises habitudes. Ou le subiennage. Ou le gainage. Les femmes vont aimer des femmes. Les homosexuels aux familles. Les histoires, il faut les dire. Toutes ces mauvaises habitudes. Peut-être que ce n'était pas votre choix. Mais ça a été hérité. Vous êtes venu d'une lignée. Qui avait coutume et habitude de pratiquer l'idolâtrie. De pratiquer la sorcellerie. Surtout la sorcellerie des hommes noirs. Avec des cœurs tout noirs. Très méchants. Impitoyable. Mais vous vous retrouvez des fois dans ces choses. Vous avez fait des choses qui sont très importantes. Vous ne faites que subir. Vous allez vous faire le coup. Parce que c'est une mauvaise manière de vivre que vous avez hérité de vos parents, de vos pères qui vous ont crafté. Vous avez fait les choses ici dans votre famille. Et vous commencez à les pratiquer aussi. Et sans mais quand on vous demande de faire le bien, oh, quel casse-tête! Quel problème que vous avez? Mais pour faire le mal, oh, c'est de l'aisance! La coule, c'est de l'eau qu'on boit! On fait très facilement le mal. On garde très facilement la rancune. Quelqu'un t'a juste gratté à l'oreille. Tu ne me verras plus jamais te saluer. Ce que je fais, c'est que je me fais la bête dans la cara. Tout ça, c'est juste grâce à l'oreille. Quelle mauvaise manière de faire. Tu vas gagner quoi? Il y a un ciel à gagner. Il y a une affaire à éviter. Est-ce que toi, tu sens la rancune avec facilité? Tu facilites ton entrée au ciel? Où finira ton âme? Alors, tu dis que l'âme qui pêche, l'âme qui mourra. Tu peux avoir raison et tu as toutes les raisons. Mais tu gardes quoi spirituel? Tu ne fais que descendre vers le ciel. Cessez de faire le mal. Ne rendez pas le mal pour le mal. Et quand on vous fait du bien, ne rendez pas le mal en retour. Quand on vous fait du mal, ne rendez pas le mal. Vous répliquez le bien. Vous rendez le bien pour le mal. Vous êtes en train de construire l'escalier pour le ciel. Vous allez construire le ciel. Dieu juge chacun. Vous allez construire son œuvre. Si tu saisis cette chose, que tu comprends que Dieu est amour, tu vas sortir des sottises. Sortir de toutes les bêtises dans lesquelles tu es tombé. Il y a un ciel à gagner. Et il y a une affaire à sauter. Cette voie-là, du mal pour le mal, de la rancune et des conflits, de la voie de l'enfer, la voie du ciel, la paix. Christ, il est le prince de la paix. Lorsque Dieu Melchisedec, il est le prince de la paix. Sois-y, la paix. Et autant que cela dépend de vous, la Bible dit, viens, la paix tous les temps. Envers tous les humains. Soyez en paix. Amen. Oh ouais. Ouais, il m'a dit ceci. Il m'a fait ceci. Il m'a beaucoup blessé. Arrêtez. Le Seigneur a dit, voici comment vous devez prier. Votre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnons. Mais quand tu refuses de partir, et tu penses avoir raison, alors que selon la Bible, tu as tort. Chaque fois que tu refuses de partir, tu es coupable devant Dieu. Je dois répéter ça. Chaque fois que l'occasion t'est donnée par l'autre, tu mérites de pardonner comme lui t'a pardonné. T'as pardonné sans condition. T'as pris négligence. Chaque fois que tu rates de pardonner, tu es coupable devant Dieu. C'est Dieu qui pense que les gens ont dit. L'âme qui pêche, quand tu refuses de pardonner, c'est un acte d'incrédulité. C'est un péché. Tu transgresses l'ordre de Dieu. Pardonnez-vous. Pardonne nos offenses. Comme nous-mêmes nous pardonnons. C'est que nous sommes offensés. C'est-à-dire que nous sommes blessés. Jusqu'à troubler votre personnalité. Une offense. On dirait quelqu'un qui a pris un couteau, très cher, qui a pris un couteau, et vous découvrez que c'était sciemment qu'il a fait. Il l'a fait pour que tu ailles mal. Pour te faire mal. C'est ça une offense. Il passe à ceux-là. Le chrétien a devoir le chrétien a devoir de pardonner. Pardonner. Les offenses, pas les erreurs seulement. Quelqu'un même commet une erreur. Ça y est, le bunga. Tu veux sauter l'enfer? Alors apprends d'abord que Dieu est amour. Je ne vous entends pas ici. Tu veux entrer au ciel? Retiens bien que Dieu est amour. Dieu est amour. Dis à ton voisin, Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Toi, le bon est là. Oh, tant que je suis français qui m'a rabissé. Zambaza. Le bon est là, nous sommes allés là. Bongo si manango obo sanisu ote inévite ce qu'il zizini ni soa kika yoba soa kaya kaya yoba na zizi chaque fois. Ah sangomana mokolo ka tongo midi poko sanga la basanza kou la mabula mzizi aya ka tuyuko soa yo. Non frère, ma soeur, il faut retenir. Dieu est amour. Et dans l'amour, il n'y a pas de rancune. L'amour est le contraire de la haine. J'espère qu'il n'y a pas un mouroyo ici. J'ai cité juste un exemple de ce que l'on fait dans les familles. Bisso naba mongo. Tala koko na biso ya année 1423. Tala li solo to yoka asala boye bakata ka ye mutu depuis wasala li kambo wana biso na batu wana to ki plus jamais ko yoka. Et ça s'appelle éducation. Et ces garçons-là, et cette fille-là, ont aussi dit, moi, on m'a bien éduqué par mes parents. L'éducation des conflits. Bonne éducation. C'est quoi qu'on l'a te connaît? C'est pourquoi qu'on avait décapité. Est-ce qu'il te connaît? Et pour avoir adopté le comportement qu'on t'a dit, lui c'est quoi qu'on l'a te payé? Parce que c'est en son nom et en sa mémoire que tu gardes un comportement. Jalousement et fidèlement. Même dans le deuil, on voit, on peut pas changer de religion. Parce que moi, il y a un homme, il y a un homme. Il y a un homme, il y a un Azamongo. Azamongo. Jésus dit, vous devez naître de nous. Toutes vos naissances sont foutues. Vos familles sont corrompues. Par le péché. Nous avons besoin de faire du bien. Qu'est-ce qui nous a racheté? Mais vous avez été racheté par le sang précieux de Christ. Comme des agneaux sans défaut et sans tâche. Parce que si nous confions dans ma kila na Jésus Christ, malheureusement sur la matière locale, ma kila na mona na pâté ou na potaté peut na l'éternité. Êtes-vous là? Vous allez voir là? Oh, que Dieu soit béni. Nous avons vu hier Dieu ramenant les cœurs des pères fidèles à leurs enfants. Et parce que justement, il y avait des pères méchants, mauvais, qui ont marqué l'histoire d'Allemagne. Et ça, ce n'est pas reproduit. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu de ramener dans son peuple à lui. Élie qui devait venir à la première fois, il a ramené plusieurs fils d'Israël au Seigneur de l'Église. Luc 1, verset 16. C'était Jean-Baptiste qui l'a dit. Et il a marché devant Dieu dans l'Esprit et la puissance de l'Élie pour ramener le cœur de paix dans leurs enfants et les rebelles à sa chère. Même s'il y avait des enfants rebelles, parce qu'ils appartenaient à des lignées de méchants, à des très mauvaises familles, dans les corruptions, les violents. Mais le message d'Élie de cet enfant devait ramener des rebelles à la sagesse. Le sang de Jésus-Christ qui devait venir après n'allait pas choisir les couleurs familiales. Le sang de Jésus-Christ qui allait venir après était disponible pour tout ça, sans tenir compte de ce qu'on était pour ça. Christ voulait racheter simplement tous les chemins. Quiconque croit en l'Assemblée. Et Jean-Baptiste est venu pour préparer. Vous comprenez? Il est venu pour préparer. Introduire le Messie Jésus. Quelle grande mission. La mission prélit le problème. Il venait pour la première fois. Que Dieu soit béni. Et alors là, voilà. Il devait ramener le cœur des pères à leurs enfants. Nous insistons pour dire que ce ne sont pas des mauvais pères. Parce que tout l'Ancien Testament est plein aussi de mauvais pères. Et Dieu est arrivé même à dénoncer. Malgré la survenue du Nouveau Testament, malgré l'évangile de grâce qui est prêché, malgré l'occasion nouvelle que Dieu a donnée aux hommes, il y en a eu qui se sont fermés à la grâce. L'on voit Jean-Baptiste qui fait son travail. Mais regardez ce qui s'est passé avec certaines personnes. Dans Luc chapitre 7, le Seigneur dit ceci. Verset 25 à 30. Mais qu'êtes-vous allé voir? Kasi bobimaki komona nini? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont à la maison des rois. Bango bajali na bilamba na kitoko mpe na bilei na kitoko bajali na ndako na mikondi. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Êtes-vous venu comment na nini? Musakoli? Vous dis-je est plus qu'un prophète. Et j'allais pour un peu na lobi na bino etayé ou aleki musakoli. C'est celui dont il est écrit. Voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant. C'est ce qui est lu dans Malachie 3:1. Je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu. En se faisant baptiser par lui. Mais attention, les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Dieu a bien voulu les sauver. Ils les ont refusés. Il tend la main pour vous sauver. Vous rejetez cette main. Avez-vous encore de l'espérance en présence? Aurez-vous seulement encore une occasion pour être accueilli dans le royaume de Dieu? Je doute pas. Ils ont annulé à leur égard. Ils ont rendu nul ce qui les concerne. Le destin de Dieu. Bien-aimé, ne commettez jamais ce genre d'erreur fatale. Ne commettez jamais ce genre de faute gravissime. Comme on l'a entendu hier, si aujourd'hui vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Ne suivez pas la voix de ces pères-là qui se sont révoltés contre Dieu. Le message de Jean-Baptiste est contre ce genre de comportement. Il fait casser tout le cœur au cerveau pour vous faire humble. Humiliez-vous. Que celui qui a des tuniques donne l'hymne. Ça, c'est l'évangile prêché par Jean-Baptiste. Il a dit aux militaires, contentez-vous de votre sort. Ne commettez ni fraude ni mensonge. Ne fraudez pas. Et ne ravissez rien à personne. Ne profitez pas de votre tenue, ni de l'âme. Vous allez le téléphone d'autrui. L'argent d'autrui. Jean-Baptiste a prêché disant, ne faites pas ça. Contentez-vous de votre sort. C'est insignifiant. Le prophète Jean-Baptiste est le savant. Même si ce serait insignifiant. Même si vous militez, vous serez mal payé. Contentez-vous de votre sort. Et celui d'entre vous qui a détenu. Il partage l'autre à son corps. Les ABC de l'amour. Du meilleur savoir-vivre. Je pense que ça c'est la meilleure éducation. Un prophète de Dieu vous édique ça. C'est la meilleure éducation. Alors que le prophète Jean-Baptiste dit ça, nous qu'est-ce que nous faisons? Oh, maman Olang avait dit, ce que je dis, la main est au Pessimoutou, au Miteki. Vous voyez ça? Mais Jean-Baptiste a prêché, c'est celui qui a détenu deux habits, prenne le deuxième, donne à l'autre, pour vivre avec elle. Amen. savoir soulager notre semblable. Pour c'est le fardeau les uns des autres. Et pour la dire que c'est ça la loi de Christ. Le vrai bonheur ne consiste pas à vivre autrement. Le vrai bonheur et le vrai sens de la vie, c'est quand vous vivez pour les autres. Laisse que Dieu te délivre de tous ces faux combats imaginaires. Oh, depuis la pêche à l'aïe, l'amba wana, n'a l'air de soubienté. Pourquoi? Parce qu'au départ, toi-même là, ton cœur n'avait pas la foi. Tu étais hésitant. N'a pas ça. Oh non. Tout ce que vous faites avec doute, c'est un péché. Soyez convaincus dans ce que vous faites. Hein? Romains 14, verset 5. C'est un péché. Quand vous décidez de faire le bien, agissez librement. Ne commencez pas à dire si je fais, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que l'on va penser? Les gens vont dire que je suis le père voir. Comme ici, nous sommes en train de construire. Ah, tu as eu une occasion de donner $200. Le voilà, ton votaille est qu'à $10, n'a $20. Si il y en a plus de 200, alors, à votre église, va vous connaître. Ça combien d'un bon de qui sait peut-être que Dieu te donne cette occasion? Yo, au lieu aux oies, ça, on nous paye ça. Comme ça, Zambé, à fond la porte, à couper sur 2000. Yo, au commis, au canis. Ah, qu'est-ce que les frères vont passer? Alors que c'est pas le cas. On est allé bon côté. Parce que c'est pas sacrifice, hein. Tu te fermes les portes de paix. On est allé koukanga, du coup, qui m'a pas mouillé. Mais il y a pas 12! Et demain, tu vas te demander, vous m'avez offert l'opportunité, cette affaire-là devait me rapporter $2000. Tu as compris comment les gens du monde sont méchants. Toi, je ne connais pas l'origine. Et pourtant, c'était presque sûr, on allait me donner ça. Au moins, c'est ce que ça fait, hein? Quand tu fais manquer à quelqu'un, Dieu pouvait le faire des temps, tu lui as fait manquer. Zambé, elle n'a qu'à voir, quand on balé, pourquoi tu dis si fiche comme ça? Pour la nuit, nous allons n'allez pas déformer comme ça. Ok, ne vous dites pas que vous allez voir. On a fait le bilan d'acquis. Êtes-vous là? Vous allez voir. Un exemple. On a oublié d'acquis. On peut aussi des fois vouloir dire juste 50 francs. Ou des fois plus que ça. Dieu nous parle des fois dans la semaine. Tu sens seulement ce fardeau te venir à cœur. Il est si simple, négligeable. Mais il commence à tirer un peu. C'est comme une idée, il se fait une conviction. Fais-le. Ne calcule pas trop. Si Dieu dit, Seigneur, conduis-moi, je vais agir fidèlement. Et toi, fais ta part. Et Dieu s'en bénit. Il y a eu des pères qui ont fait du bien. Et ce sont ceux-là que nous devons imiter. Il y a eu des hommes qui ont servi Dieu avec zèle et sens de sacrifice. Imitez leur foi. Imitez cette manière de faire le bien. Faire Dieu avec joie. Car Dieu aime celui qui donne la vie. Quand tu viens occulte ça avec joie. Tout ce que tu donnes à Dieu avec joie. Amen. Amen. Mais il y a eu quelqu'un qui s'est vendu au péché. Et ça c'est un mauvais père. Pouvons-nous prendre son exemple ici? Wow. C'est ici dans 1 Roi chapitre 16. Il est écrit ceci. Il y a eu un homme, un papa appelé Omri. qui était un roi en Israël. Verset 21. Jusqu'au verset 26. Alors le peuple d'Israël se divisa en deux parties. Une moitié du peuple voulait faire roi Tibni, fils de Ginath, et l'autre moitié était pour Omri. Natango yango bato na Israele ba mikabolaki ndambo mibale ndambo na bato ba bilaki Tibini mwana na Ginata ete batiaye mokonzi pe ndambo ba bilaki Omri. Ceux qui suivaient Omri l'emportaient sur ceux qui suivaient Tibni fils de Ginath. Tibni mourit et Omri régna à sa place. Kasi bato bao ba bilaki Omri balekaki bato bao babilaki Tibini mwana na Ginata boye Tibini akufaki mpe Omri akomaki mokonzi. C'était une bataille pour acquérir ce trône. Au lieu d'être reconnaissant envers Dieu, il a accordé la victoire et le trône. Et vous savez ce que ce papa va faire? Papa Omri. On a tata Omri. Ingrat. On a zangi ko zong sa matonde. Dieu accorde une faveur, mais lui abuse de la confiance que Dieu lui donne. Voilà. La 31e année, Baza, roi de Juda, Omri régna sur Israël. Il régna 12 ans après avoir régné 6 ans à Tirsa. Na elangana tukumisato na moko na asa mokonzi na Yuda. Omri abandaki kozala mokonzi na Israël. Azalaki mokonzi bilanga zomi na mibale bilanga motoba. Il acheta des chemins la montagne de Samarie pour 2 talents d'argent. Et il bâtit sur la montagne et il donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie d'après le nom de Shemer, seigneur de la montagne. Asombaki ngomba na Samaria epai na Semele pona pata mibale na palata. Asaki ngomba na makasi pe abia Abangaki kombo na mboka oyo ete atongaki ete Samaria pelamako kombo na ye Semele kolo na ngomba. Voyez, là au moins c'est un acte historique. Il a bâti une ville qu'il avait acheté sur une montagne. Et il a honoré son vendeur, le vendeur de ce site-là. Il a appelé Shemer. Il a honoré de son nom. Il a donné à la ville le nom de Samarie. C'est comme Shemarie. Vous allez le coup là, et pas là. Chemin qui était l'autorité, le chef. Il était un chef de toute la contrée. Il avait là-bas. Alors, le roi Omri l'a honoré. Mais il a acheté ça à 2 talents d'argent. Oh, miséricorde. Verset 25. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Kasomili a salaki ma bonne amie son ayao pe alekaki na ma bonne yonso jalaki de son aye. Voilà comment l'idolâtrie a prospéré. À la ville de Samarie. Katine ngumba na Samaria. Connu le vrai Dieu. Il y avait un mauvais papa qui habitait là. Un méchant roi. Un ingrat face au bon Dieu. Quand Dieu te fait du bien, tu pries les mains. Dieu te donne le souffle de vie. Tu utilises ce souffle pour aller prêcher. Entre-toi. Nous ne pouvons pas suivre un tel comportement. Mais lui l'a fait. Il a été pire que ceux qui ont été Ne pensez pas qu'à cause des messages de grâce, nous soyons autorisés à faire le mal. Le message du prophète Jean-Baptiste ramenant le cœur de père et enfant, ne fait pas un fait vert pour qu'on a mais c'était une interpellation. C'était un appel à la réponse. Tous devaient se répandre. Pour obéir à son message. De repentir du péché et de continuer à faire. Qui dit amen? Vous savez qu'il a baptisé du baptême de repentance. Bien qu'il introduisait le message de grâce. Donc il n'est pas venu donner un fait vert. Vous suivez des péchés n'importe quoi. Parce qu'hier on a entendu. Mais c'est vrai. En ramenant le cœur de père à l'enfant, l'esprit d'Élie détournait le peuple de la loi pour les amener à ceci le message de Dieu. Mais il prêche la repentance à des gens habitués à la loi. À l'œil pour l'œil, dent pour dent. Mais il leur apprend tous la même chose. Plus juste. Tous devaient se répandre. Se faire baptiser du baptême des gens. Et c'était un baptême de répandre. N'est pas civilier. Pour obéir à ça, signifiait que Dieu veut abaisser une montagne, mais la montagne s'est baissée. Dieu veut abaisser un cœur, mais le cœur s'entête et s'endurcit. Depuis qu'il fait ça, il rend nul à son égard le plan de Dieu pour lui. Ne commettez pas cette faute grave. Mais ce papa Omri n'a pas rencontré sa famille. Un prophète loin de l'esprit de la puissance. Vous pouvez lui parler directement. Et toucher son cœur pour ramener son cœur. Mais il a vécu en son temps. Et il a subi ce qu'il a subi. Et nous, nous ne devons pas imiter son comportement. Toi qui es sage, toi qui comprends. Évite les voies d'Omri. Évite les voies d'Omri. Qui consiste à s'enfoncer dans le péché. Vous allez aller sur mon moko, au lieu de se repentir, au tiga, aux hommes et la bonne non. Le roi ici n'a soumougi, c'est que les amis sont en train de se faire. Au terme, il comme ça, nous allons faire un pardon moko. Ah, quelle mentalité. Voilà le langue ligne. Comme ça, nous allons faire un pardon. C'est que pardon mal à moko. Et c'est un quoi, ils n'ont pas évité, c'est un quoi. Ça, c'est la voix d'Omri. Sors de là! Dieu t'appelle à la repentance. Dieu annonce à tous les humains qu'il va se repentir. Vous devez le faire. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Omri, à cela qui m'a bé, n'a mis son aïe à il marcha dans toute la voie de Jéroboam, fils de Nébat, et se livra au péché de Jéroboam que Jéroboam avait fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'idolâtrie a idolâtrie que son papa a fait prospérer. De mal en pire. De péché aux iniquités et aux iniquités. Ça, c'est un mauvais témoignage. S'il vous plaît, n'imitez pas les voix d'Omri. Mon frère, de Kumbali, ne reproduis pas l'exemple d'Omri. Ma soeur, de Kumasi, ne reproduis pas l'exemple d'Omri. L'idolâtrie. Votre idole, Yangolande, et doit être le premier. À être honoré. Amen, maman. Auquel on doit penser, à être respecté, à être obéi. Dieu doit être prioritaire. De toute votre âme, vous devez l'honorer. De toute votre pensée, de toute votre force, de votre amour soit pour lui. Qu'il soit le premier. Toute autre chose accessoire. D'abord. Il faut Dieu d'abord. Ce papa là est mort. Papa Omri. Papa Omri. Regardez ce qui vient après. Oh, belle manière de vivre. Quel enfant peut hériter. Écoutez. Verset 28. À 33. Omri se coucha avec ses pères. Et il fut entré à Samarie. Et Akab, son fils, régna à sa place. Espérons que Akab, son fils, va tirer les leçons. Espérons. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, identifié à son père, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Et voyez maintenant la déception qui surgit. Par rapport à notre espérance bien fondée. Parce que Dieu donne quand même une grâce. Vous n'êtes pas obligé d'imiter le mal. N'imite pas le mal. La Bible a dit imite le bien. Ne te laisse pas vexer par le mal. Surmonte le mal par le bien. Yangonde prophète alobi na biso yo mwana mobali tango liko bala zwa renseignement na tina mwana mwasi na ba antecedent na yepi tala pe ba antecedent parce qu'il y a des familles et des familles, ça c'est côté naturel, hein? Il y a des familles et des familles. D'abord, si un chrétien veut se marier, il doit épouser une femme quoi, véritablement née de nouveau. Dans les choix d'une épouse, frère Branham dit. Un chrétien envisage ce mariage. Il devrait épouser une femme véritablement nécessaire. Non pas approximativement nécessaire. Mais véritablement. Mais j'entends toujours des questions de nos jeunes frères. Tout ça, c'est pour diluer la parole. Nous sommes allés pour la colombie, ça dit l'autre. Pour la moitié, on botte un botte massica, on va nous mettre tout le risque bazar. Mais ce que ce bazar a gâté, maintenant, prophète, le bien, on va prendre la vie. La parole dit vrai. Je vais le dire à son nom. Amen. Faut pas d'abord entretenir des doutes sur ça. Crois d'abord que c'est vrai. Et cela existe. Maintenant, quand vous commencez à vous renseigner, prenez les antécédents. Même dans la famille. Vous devez connaître, parce que vous aurez à traiter avec ces gens toute votre vie. Je ne dis pas que si vous voyez telle famille, faites ceci. Non, les choix que vous choisissez, il épouse. Elle peut être véritablement née de nouveau, mais elle appartient à une famille avec des réalités. Pour ne pas mourir très tôt. Parce que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et celui qui ne trouve pas une femme vertueuse trouve quoi? Moi, je ne sais pas. Je ne vais pas le dire. Je ne le dis pas. J'ai dit seulement que celui qui trouve une femme vertueuse trouve le bonheur. C'est celui qui ne trouve pas cette femme vertueuse. Il aura trouvé quoi? Je ne dis rien. Regardez les antécédents. Pour que vous puissiez vous préparer et affronter toutes les situations. Et ne pas être surpris. Et commencer à dire, si je savais que ta famille était comme ça, tu n'allais jamais t'épouser. Oh, t'as homme qui dit ça. Tu trouves que tu étais léger au moment de ça. Prends le temps de réfléchir. Et prier jusqu'à recevoir la parole. Il ne faut pas être pressé. Pour commencer à t'en prendre aux gens après. Tout ce qui va arriver, tu dois subir ça. Il ne vient pas nous dire. Il n'y a pas moyen même de pousser même une deuxième femme d'abord. Arrêtez ça. Qu'est-ce qu'il dit quand tu vas choisir la deuxième fois, tu vas bien choisir. Un homme pourrait épouser une femme prostituée sans savoir. Il sera ensuite lié à elle tout le reste de sa vie. Mais au commun de Libala, là, Ndumba moko somo. Maintenant, au Golo Batenge, le Golo Sabo Tobo Malibala, c'est le Golo Bobali, Bogoti Kalabongoti, le Wekapolem. C'est ça donc le message. C'était ton choix. Assume. Assume les conséquences de ton choix. Aimons-nous la vérité? Pouvons-nous nous la répéter? Ah oui. Tata Omri, Tata Omri, c'est une nature qu'ils ont héritée. Il a hérité son père. Il était pire que ce qui était avant lui. La descente aux enfers. Ressaisissez-vous. Répentez-vous. Dieu ne fait point de favoritisme. Le message de grâce court encore. Dieu fait des repentir. Tous les liens ancestraux peuvent être brisés. Oui, c'est possible. Le sang de Jésus agit mieux que le sang de bouc et de taureau. Suivez. Verset 30. Acab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Etbal. roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Mais je l'ai dit, pas une aïe, de belle, ni quand on moque, et que, attendre là, ma soumou, na, yé, le pas ma manana, ni bata, à kamati, yé, j'ai belle, manana, et bête, et bata, et bala, mon condina si bon à l'opola, ma sin a yé, à kendaki, que sambe là, bala, paix, que sambe là, yé. Il éleva un autre à la balle, dans la maison de Baal, qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Atomisati et Tumbelopona, Bala, Katina, Nako, na Bala Oro, et Tondakiena, Samaria. Aba Salakipe et Kekona Asela. Aba alekati mi kondijan son aïsale li boson aïepona popolisan kanda na yawe ndambe na aïsale li. Béni soit le nom du Seigneur. Il pendra ma kumbu na kolo. Qui a une telle histoire qui existe. Zé aïsale a kouya. Ya tata phénomène na yé. Le père Omri. Tata Omri. Et son fils Agaba. Et mon Agaba. Et des générations plus tard. Agaba aussi devenu un père. Ya kouma jupe tata. Tous les enfants que lui avait engendré. Et avec Jezabel. Na. Merci na yé Jezabel. Quelle corruption! Voilà, il peut venir nous. Quelle déchance aux enfants! Voilà, comme si tu allais nous faire des choses. Oh, miséricorde. Mawa. Dans 1 Roi chapitre 21. On dit, elle veut se, ma capatrine, belle la moco. Elle veut s'en laver dans mon nom, tu veux belle la mitano. Il n'y a eu personne qui se soit vanné comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excité. Et je l'ai dit dans mon sens au terreau. Amitié qui fait qu'il y ben ami son ayahu le kola aba. Oh, il jetele, masi na ye, a petit faki, ye simbusi. Mon Dieu. Dami nangaye. Non seulement, a petit faki, d'un méchant père. Y'a beau samba qui m'obéli na tata na kantate. Mais il est allé encore épouser une méchante femme. A quelque part, la moisi a kanta. Et il a fait pire que son propre. A sali ma bémi, kole kaku tu tata na yemoko. Il dit mal, il dit mal, parce qu'il irrite Dieu. Du péché infrénable. Mais mes chers amis, Akab, contrairement à son père Omri, a eu à rencontrer quand même Élie le prophète. Quel que soit le degré du mal dans lequel vous êtes entré, le message de grâce peut surgir. Car après tout, une brebis quand il s'égare, il ne peut pas être fait pour le sang. Un berger pour la ramener. Verset 27. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Quelle que soit la profondeur du mal, la parole peut faire quelque chose. Moi, je crois sincèrement. La parole de Dieu possède la puissance. Elle peut bouger les lignes. Et dans ta vie à toi, dans les choses que Dieu n'avait pas fait dans la vie de ton père. Il peut accorder une faveur. Et c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Quand vous croyez au message, quand vous allez conduire dans la sango, vous appartenez à différentes familles. Quand vous allez à ma bouche, je sais que ce message peut changer les choses. Pour vous, exceptionnel. On a eu le bénéfice de même si vous étiez enfoncé, attends, on a eu le labyrinthe d'iniquité. Quand tu es un enfant, Sandra est touchée. Il va te quitter avec le Simba. Et son cœur là, totalement perdu. Il a commencé à se réfléchir. Je crois au puissant message d'Élie. Il faut cette génération de Dieu a réfléchi. Il a parlé par Élie. Il a parlé par Élie. Vous enverrez Élie le prophète. Alors que les hommes méchants feront le mal. Il a fait un tel esprit pour rencontrer. Il était déjà prophétisé que les hommes méchants allaient plus dans la marche. À l'époque où cette écriture va s'accomplir. Écoutez la bonne nouvelle. Je vous enverrai Élie le prophète. La même Dieu d'Israël. Et il parmi les nations. Il apportera le message de grâce. Même si tu es un fou, un bourbé comment. C'est ta libération. C'est ta libération. Car Dieu ne fait pas de favoritisme. Il peut faire grâce à qui il veut. Il peut faire grâce à qui il veut. Il peut faire grâce à qui il veut. Ayez confiance et avancez. Vous êtes d'accord avec l'écriture? Il fallait Élie. Parce que c'est vrai qu'il est là. Il fallait Élie. Il fallait Élie. Il fallait Élie. Il fallait Élie. Il fallait Élie. Et après avoir entendu les paroles d'Élie. Hein, aujourd'hui, tu entends aussi les paroles d'Élie. Et l'autre, tu entends aussi les Ezakaka, Nzamba Zongisi Yango. Azongi Selivisongo. Lokumuna Yahweh. Azongi Selivisongo Loba Elia. Yangonde Zobota vraie repentance, mes chers amis. Amen. Ce n'est pas mon histoire de dénomination de groupe de prière. Jamais. Il n'y a pas de fantaisie. Il y a des fantaisies. Il y a des fantaisies. Il y a des fantaisies. Il y a des fantaisies. Il y a des fantaisies. Il y a des fantaisies. Il y a des fantaisies. Il y a des fantaisies. Il y a des fantaisies. Il y a des fantaisies. Il y a des fantaisies. Il y a des fantaisies. Il y a des Amen. Amen. Fuyez le formalisme. Prenez à la parole qui est la vie. Il redressera votre front pour le ciel. Non pas à la manière de vous congolais. Longtemps courbé, mais ça continue à être courbé. Vous chantez pas, mais vous allez pourquoi vous allez le courbé. Bissons nos fronts, et t'as la paix, parce qu'on va te mettre au métro. Bissons nos fronts, longtemps courbé. Vous allez le courbé, mais vous allez le courbé. Oh, Jésus. Que Dieu nous aide. Vous n'êtes là qu'à peupler ton sang. Vous allez voir le pour la politique, ça comme ça. Peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Comme c'est belle ça de ma belle naïo. Oui, c'est un robot, un robot. Mais où est-ce que la grandeur en Bokambo? Quand un robot, un robot, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Est-ce que nous la grandeur, où est la grandeur de ce pays? Quand un territoire est amené de 2 345 000 km². Les bongo. Mbokawana, Belgique et Kotanakati, autant de fois, France et Kotanakati, autant de fois. Car mon ennemi est mon ennemi, ma belle. Mais côté qualité de vie, puissance à l'échelle internationale, zéro. Non, frère. Il faut bon moi, le côté. Mais il y a un vrai message qui va redresser le frère. Il y a un sangle à son côté, le mouton bouge à la fin. Lorsque le son viendra d'en haut, sangle, tu ne le goûtes à la licolo. Ils seront la terre et nous passerons. Comme Jésus a dit, lorsque ces choses commenceront à s'accomplir, relevez votre tête par votre délivrance sacrée. Nous nous regardons vers le ciel. Où Jésus-Christ revient. Comme sauveur, nous transformer nos corps. Il cherchera ses corps, humiliation, et rendra semblable au corps de sa gloire. Pour vous la promesse, êtes-vous enfin de cette promesse, et Dieu bénisse la promesse, et qu'il affermisse votre corps. Un vrai message qui redresse nos fronts. Ce n'est pas un cantique creux. Le plus rond ton soleil nous attirerons ta grandeur. Même sans plan, même sans argent, mais les enfants commencent à faire un avenir. Et tu l'as dit, de ton commun, dans la couloula, dans la chégué. Et des guerres qui ne finissent pas. Tumba, parce qu'apparemment, nous n'arrivons pas à bien gérer notre propre pays. Vous allez des centaines, Plusieurs nations. Maintenant, on est à encore. On veut encore amener les pays de l'Afrique de l'Est. On est naïf pour croire ça. On est singuli pour la bâton. Ils viennent, ils veulent pas quitter ce pays. Et d'autres veulent venir s'ajouter. Pour nous aider à avoir la paix. Pour nous aider à la kimia, pouvons-nous être naïfs à ce point-là? Pour la bâton, pour le mouvement de la nation. Mais pour que vous voulez emballer, vous voulez kimia, vous allez pourquoi va content à la coupe à la vitre? Les autres veulent encore venir. Et la MONUSCO qui est là ne veut pas partir. Bateau avec MONUSCO qui est là. C'est le Mawa. Ah! Et nous sommes l'entrée des châteaux, nous peuplerons ton sol. Mais vous allez vous voulez payer un baïti et tout couillis qui s'en va te mingi à la belle. Nous allons peupler ton sol et assurer la grandeur des dieux en prenant toutes ces nations la nombreuse. Allez-y. Quelle contradiction. Voilà, pour tous les bélanins, ne regardez pas aux choses de la terre. Donc, ça, la grosse, la mobilité. C'est décevant. Oui, mais c'est d'aller courir, ça m'a va. C'est confusionnel. C'est d'aller courir, ça m'a beaucoup cassé dans l'angle. Regardez aux choses du ciel. Donc, ça, la macamona, l'eau. Les promesses bibliques commencent à s'accomplir. Alors, redressez vos fronts. Alors, vous tombez la mission à Bino. Relevez vos yeux. Vous tombez la mission à Bino. Alors, votre délivrance approche. Vous tombez la mission à Bino. Le Fils de l'homme est à la porte. Vous allez écouter. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Vous allez pour la calamité. Amen. Si tu te prépares, nous allons pour l'engue là. Nous allons quitter la terre. Pour que l'on va venir de vous. Oh, Wenge, ils ont gagné tout ça des histoires. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ton sol, va l'eau là. Vous êtes que vous brouillez, bisous. Vous êtes bisous, maquillez là-bas, là-bas, là-bas, là-bas. Tu brouilles, tu brouilles. Oh, le message est négligé. Mais les gens, ils vont aller rester là-bas. Juste tardivement. Qui nous tangue les cassettes. Kuna na mtifika wabeta kama topi na ndembo. Oh, mbao si su kongole. Laipe nazali mwana ya mboka huyo. Mais je suis citoyen de Dieu. Kai nazali mwana ya mboka likolo. Sejuru au Congo. Nazali kuvanda kati na mboka kongo. Sejuru prendra fin. Ah, wa kuza super. Mon rédempteur est vivant. Mon souffle na nazali na bongo. Mon rédempteur est vivant. Mon souffle na yopa na bongo. Il nous enlèvera bientôt. Akonesu la biso kala mingi te. Oh, vous ne croyez pas? Nali kundi mate. Après avoir entendu, verset 27. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il prit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ses sacs et il marchait lentement. Le papa me conduit à l'envie de l'été. Et au cas qui a la qui dit l'amba la yente, à tata qui ngoto n'en a qui l'a qui vivait un peu, à la la qui n'a pas peu, et le qui l'a qui me donne la mort. Donc, on prend verset 27 jusqu'à 29. Bonjour, tout comme nous allons dans la fin de tout. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ce mot. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Faveur, son père Omri ne l'avait pas reçu. Vous voyez ce que peut produire la repentance? Même un changement dans les programmes. Bien-aimé, repentez-vous. Ne soyez pas complexé pour rien. Apprenez à demander pardon. Apprenez à pardonner à tous les gens. Apprenez à Vos prières ne seront jamais vaines. Quand tu supplies Dieu, il écoutera. Il interviendra. Il agira. Il est Dieu infaillible. Il est Dieu amour. Il est Dieu compatissant. Riche en bonté. Moi, je le crois ainsi. Même dans notre temps ici, il est son même Dieu. Moi, je l'aime. Hein? Retournons dans 1 roi. Allons dans 1 roi chapitre 15. Voyons encore une illustration ici. Oh, mes chers amis. 1 roi 15. Il y a encore un père là-bas. Et qui a laissé un fils. Et son fils devait marcher dans sa voie. Vous avez entendu parler de Jéroboam et des péchés de l'Israël qui avait péché. Omri a commis. Et que le fils d'Omri, Akab, a perpétué pire commis. Mais Jéroboam lui-même, ici un requin. Nous voyons au verset 25. Nadab, fils de Jéroboam, régna sur Israël la deuxième année d'Asa, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Nadab, fils de Jéroboam. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans la voie de son père, se livrant au péché que son père avait fait commettre à Israël. Voyez-vous tout ça? Il a marché dans la voie de son père. Mais les conséquences sont désastreuses. Prenez la spirale. C'est une répentance. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Regardez encore ici. Dans 1 roi chapitre 22. Nous prenons le verset 52 à 54. Les 3 derniers versets du chapitre 22 de 1 roi. Akazia, fils d'Akab. Voilà, Akab est mort. Et Dieu a dit que le malheur qu'il avait annoncé arriverait. Pendant la vie de son fils. Akazia, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie. La 17e année de Josaphat, roi de Juda, il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha encore. Il marcha dans la voie de son père et dans la voie de sa mère. Père et mère. Satan et maman. Ta mère, c'était qui? Maman a été la finale. Voilà. Regrettable. On est allé pas si tu n'as. Il marcha dans la voie de son père et dans la voie de sa mère. Et dans la voie de Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël. Il servit Baal et se prosterna devant lui. Et il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme avait fait son père. Il Et quand Élie, Jean-Baptiste devait venir, pensez-vous que ce sont genre de cœur et de voix qui devaient être rétablis? En Dieu dit qu'il devait ramener le cœur de père à l'enfant. Mais au contraire, il voulait ramener le cœur de père exemplaire, de père intègre d'Israël, ramener leur comportement parmi les enfants, ramener leur caractère de la crainte de Dieu, ramener leur caractère d'humilité parmi les enfants. C'était la mission d'Élie. Nous sommes d'accord? Parce que le reste des comportements, même après la venue de Jean-Baptiste, tous les autres mauvais comportements étaient clairement dénoncés. Nous sommes ici dans Acte chapitre 7. Allons rapidement. Acte chapitre 7. Verset 51. À 53. Homme au cou raide, un circoncis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ce que vos pères ont été. On a présenté d'abord la grâce à ces gens. Et ils sont opposés. Vous rejetez la grâce. Il vous reste plus que le jugement. Et Dieu est bon. Il vous tend le message de grâce. Il vous tend le message de grâce à Akab. Akab était réceptif. Il a réagi. Et Dieu aussi a réagi. Mais ceux qui rejettent la parole de Dieu, ça attire sa colère. Comprenez. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Et ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après le commandement d'ange et qui ne l'avez point gardé. Batatana bino bazangisi komeko la nani kati na basakoni. Baboni baoyo basakoni libosoko na kuya na moyenge beni. Sasa iti bino bokomi ko bakabimpe baboni na ye. Bino oyo boji mi beko mi petifami na minoko na danje pe botosi angote. Voyez frère, c'était Étienne ou Stéphane, l'accusation. Accusé ce groupe de chrétiens, montrant qu'ils ont préféré s'endurcir dans la foi de mauvais père. Mais que lui Étienne, ayant reçu le message de Dieu, a reconnu le ministère de Jean-Baptiste, et a reconnu le Messie promis, il ne pouvait pas rester ensemble avec des rebelles. Il fallait annoncer d'avance quel était le message. Nous devons nous séparer. Montrer ce que nous avons choisi. Et n'ayez pas honte de ça. N'ayez pas honte de ce message. Défendez-les dans vos familles. C'est vrai. Nous voyons ici dans Acte 28. À partir du verset 23. Ah, jusqu'au verset Voilà encore un groupe d'hommes. C'est devant Étienne. C'est devant Paul. Ah, vous allez vous en attendre. C'est descendant de certains mauvais pères. Bah, qui t'aigne à Batata, mon souci à ma bé. C'est que la pire des choses, c'est de rejeter la grâce. Et donc, ma bé, vous allez vous voir qui t'aime dans la bande. Ton père avait eu affaire quoi? Batata, ça va faire avec ce qui n'est ton nom. Aujourd'hui, c'est ton temps. Mais vous allez t'aime dans la bande. Ne persiste pas dans les mal. Oui, mais la tâche de ma bé, tiens. Ne copie pas les défauts de ta famille. Mais quoi là, ma bé, elle veut faire. Je te propose le message de Dieu. Tu peux choisir ton sort maintenant. Et pour les gens qui peuvent les guider, car l'âme qui pêche, c'est celle qui pêche. Dieu a dit toutes les âmes sont sauvées. Si papa fait ce qu'il a fait, il a dit. Mais au retour, il est pour sa vérité, il a Nazo ma pamboli ya Abraham. Na kula nazela ma bete. Nana tina ni. Écoutez. D'accord. Ils lui fixèrent un jour. Et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu. En rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient et les autres ne crurent point. Acte 28, verset 23. Amen. Namoko Alimboli na bango tina na bopanzi na nzambe. Na tongo kina botupe. Ameki kondimisa bango likambo na Yesu kati na miboko na Mose mpe na basakoli. Bamosusu bandimaki makambo malobi ye. Bamosusu nde baboyi kondima. Concernant même Jésus, voyez comment les gens ont réagi. L'unanimité n'est pas une solution. Batonyo sote yamande zali et anoto yamande zali. Quand on prêche, chacun fait son choix. Si au sujet de Jésus, Paul a rencontré, les uns crurent, les autres ne crurent pas. Même chose avec l'Élie du dernier jour. Nous pouvons prêcher, nous éprouvons les âmes. Il y en aura toujours qui seront incrédules. Il y en aura qui croiront. Et toi, tu ne peux pas faiblir dans la foi. Sois toi. Amen. Et assume tes choix. Défends ta foi. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient et les autres ne crurent point. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères, par le prophète Esaïe a dit, va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Même si eux, les juifs, se sont montrés incrédules jusqu'à se retirer en désaccord. L'accusation de Paul sort. L'accusation de sa génération. Ils ont marché dans la voie de leur mauvais père. Paul nde alobi likambo oyo moko ete na malamu Molimo Mosantu alobaki na bankoko na bino na monoko na mosakoli isaya ete kenda koloba na bato oyo ete bakoyoka na matoi nde bakoyeba ntina te bakotala na miso nde bokomona te mpo ete mitema na bato oyo mosili koya makasi bayoki na matoi na bozito mpe baziti miso na bango ete bamona na miso te mpe bayoka na matoi te mpe bayeba na mitema te mpe bazonga te ete nabikisa bango na bongo tika ete eyebani na bino ete lobiko oyo na nzambe etindameli bapagano bango mpe bayoka baboyaka bakoyoka Voyez bien aimé. Quand vous négligez l'évangile, vous négligez le message, il y a des âmes quelque part, il y a la pression. Qui l'honoreront. Mais n'essayez même pas à regretter quand sera trop tard. Vous allez dire que je m'aimais. Vous allez dire que je l'avais dit. Pendant que la grâce de Dieu est en train, profitez et expérimentez. Notre Dieu possède beaucoup de bonnes choses. N'imitez jamais le mal. N'annulez pas le dessein de Dieu. À cause d'une mauvaise manière de vivre. Éliminez de vos pères. Je vous annonce la bonne nouvelle. Que le sang de Jésus-Christ a coulé. Pour racheter de la mauvaise manière de vivre. Acceptez ce sang. Croyez ce salut de Dieu. Quittez les mauvaises voies de vos pères. Suivez la voie prophétique. Et notre Dieu fidèle. Êtes-vous là? Je termine ici dans Matthieu 23. Verset 27. Verset 27. Nous avons dit qu'il y a un enfer à sauter. Et il y a un ciel à gagner. Chacun doit faire son choix. Parce que Dieu ne fait point de favoris. Oui, bah, être Zambia pour la capona pâté. Moi, j'ai appartenu à la mauvaise lignée. Moi, j'ai appartenu à la mauvaise famille. Le message de grâce est pour tout le monde. Jésus-Christ est le sauveur de tous les hommes. Jésus-Christ est le sauveur de tous les hommes. Ceux qui croient. Ne te rends pas coupable à cause de ceci. Dieu, il est le Dieu de ton âme. Salut est individuel. Il doit faire son choix. Il porte les conséquences. Malheur à vous, scribes pharisiens hypocrites. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Voilà. Relisez. Non, c'était une erreur. Relisez ailleurs. Très bien. Matakolami pembe. Yango imonani kitoko libandande katikati itendi na mikuwa na bato bakufi mpe na ndenge yonso na bosoto. Bongo bino bomonani libanda epai na bato ete bozali baenge bonende katikati botondi na bokosi mpe na yauli. Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites. L'hypocrisie. Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et vous ornez les sépulcres des justes. et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpent, race du père. Comment échapperez-vous au châtiment de la chair? Zambi bokotongaka maita mpona basakoli mpe bokotia mibomba na bayengebeli kitoko mpe bokolobaka ete soko tozalaki na mikolo na batata na biso nde tosanganaki na bango te mpo na kosopa makila na basakoli bongo bozali kokweisa bino mpenza ete bozali bana na baoyo babomaki basakoli bino botondisi etimeli na batata na bino banyoka bana na bituka bokokima nde ekoli na geena poni wana ezali kokweisa masango malamu ezali komona yango ntango sanga komi na mofanda wanawana oleki lelo oyo akokabola katikati na ngolo ya kosambisa oki nkolo azali mobikisi akokolobela bino boye nani akobikisa bino lisusu Il vous taxe des serpents. Race de vipères. Comment échapperez-vous? C'est l'enfer. Il y a un enfer à sauter. Il y a un ciel à gagner. Il y a un ciel à Dieu juge chacun selon ses œuvres. Parce que si vous êtes vos ancêtres, vous avez l'occasion de choisir la parole. Répandez-vous chacun. N'annulez pas le décès de Dieu. À cause d'un attachement à une personne. Vous êtes en séjour sur la terre. Vous allez vous venir ça qui n'est pas mon cœur dans ma belle. Répétons, n'annulez pas. Vous êtes Dieu, en vous envoyant son message, en vous envoyant l'évangile, Il veut réellement accueillir dans son royaume. Dites-vous Amen. Mais ne décevez pas la bonne volonté de Dieu. N'annulez pas le plan salutaire. De vos méchants pères. Des hypocrites. Des mauvais papas. Des ouvriers d'iniquité. Quittez leur voie. Venez à la vérité. Aimez la vérité. Pratiquez la volonté. La Dieu vous bénit. Vous aimez? Avez-vous compris les contours du message de Jean-Baptiste? Dieu ramenant le cœur des pères. Des pères fidèles et intègres. À leurs enfants. Vous voyez que là, tous se sont accrochés à la mauvaise foi de ils ont déclassé jusqu'à l'air montrer qu'il n'y a pas moyen qu'ils échappent à la paix. C'est la dernière parole du Seigneur. Comment échapperez-vous? Vous montrez que vous êtes la semence. Vous voyez? Vous ne voulez pas charger. Vous voulez vous accrocher à la mauvaise manière de vivre. Héritez de vos pères. Non, mon homme. Non, ma soeur. Changez, répandez-vous. Le message des gens était un message de répandre. Pour les détourner de la loi. Et les amener au Évangile. Êtes-vous là? Il les a détournés de la loi. Comme ce qui se connaît trop juste. Que Dieu soit béni. Et qu'il puisse vous affermir davantage dans cette promesse précise. La première mission Malachi 4, verset 6. Je pense que c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous pour la prière. Dans l'amour de Dieu. Miséricorde insondable. Miséricorde insondable. Dieu peut-il te pardonner? Amen. Potence grand copain, après un péché et un péché vivant. Et si j'avais, je tiens à toi, parce que j'ai fait, je tiens à toi, et si je viens. Et Dieu peut nous sécuriser. Prions chacun. Pour tout ce que tu as fait pour nous ce soir, en nous partageant la parole de vérité, insistant sur le devoir de repentance, pour que chacun se sépare de la vaine manière de vivre, hérité de nos parents, de nos ancêtres. Aucun de nous n'annule la Sonega. Mais pour la salitaire de Dieu. L'intention de Dieu pour nous sauver. Mais laissez-nous saisir le message d'Élie. En notre temps, nous aussi. Pour réagir comme même à Cap-Vert. Oh, ne fût-ce que par les gestes qu'il a posés. Et Dieu l'a remarqué. Lui, Dieu qui ramène le cœur. Dont la parole est toute puissante. Il y a le pouvoir de transformer. Je te soumets chaque âme. Les âmes sont à toi. L'âme du Père et du Fils. Seigneur, tu as dit que l'âme qui passe est celle qui mourra. Délivre chacun du péché de l'incrédulité. De toute disinité. De baisse des temps. Donne-nous la foi. Donne à chacun la conviction. S'agir avec conviction. Et de savoir assumer les conséquences de ses choix. Sans s'en prendre à personne. Sans chercher aucun bouc émissaire. Et chacun, quelqu'un veut se plaindre. Et chacun se plaint de ses propres péchés. Et dans nos relations avec nos semblables, apprends-nous à pardonner. Apprends-nous ton pardon, Seigneur. Et que ton cœur suive ton bon exemple. Toi qui nous as pardonné sans exigence. Dans la simplicité. Père Céleste, conduis nos pas. Garde tes brebis. À ce moment où nous voulons momentanément nous préparer. Pendant les séjours sur la terre, nous avons besoin de ton soutien, de ta conduite, de ta puissance, de ta victoire. Fortifie et affermis chacun dans la vérité de la parole, pour que nous soyons forts face à tous les ennemis. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Amen. Asseyez-vous. Vous pouvez en dire.